Des hommes se cachent derrière les banques, derrière les bâches des saltimbanques. Même devant la mort, ils tremblent encore. Pourquoi ? Les nuits glacées de solitude, les cœurs brisés de lassitude, c'est un ouragan qui nous vient du sud, en bas. Moi je suis né dans un manteau de vent, je suis des cimes comme les oiseaux migrants. Il y a longtemps que le vent me protège du feu des sortilèges. Je viens d'Espagne, d'Italie ou d'Orient. Le vent me parle comme la voix d'un parent. Je vais tout droit voir l'horizon devant, voir l'horizon devant. Oh, hombre libre. Des hommes qui veulent tous les pouvoirs, qui cherchent la lumière et la gloire, qui aiment se faire voir et tout avoir, la loi. Un souffle noir brûlant la plaine, un grain du soir brisant les chaînes, comme un cyclone qu'on n'attendait pas. J'aime ça. Moi je suis né dans un manteau de vent, je suis des cimes comme les oiseaux migrants. Il y a longtemps que le vent me protège du feu des sortilèges. Je viens d'Espagne, d'Italie ou d'Orient. Le vent me parle comme la voix d'un parent. Je vais tout droit voir l'horizon devant, voir l'horizon devant. Soy un hombre libre.